Parler d'une équipe qui va super bien, c'est les Rapides de Dolbo-Missassini. 13 victoires en 7 défaites. Ils ont remporté quelque chose comme 9 victoires consécutives, mais en fin de semaine, ça a été plus ou moins bien. Deux défaites. On en parle avec l'instructeur-chef. C'est sa première année, c'est Richard Fortin. Bonsoir, Richard. Oui, bonsoir, Danny. Richard, 13 victoires en 7 défaites, c'est vraiment très, très, très intéressant comme dossier, là. Écoute, je vais t'en prendre, c'est 10 victoires d'affilée. Tu vois, depuis le mois de novembre, depuis le mois de décembre, le mois de janvier, on n'avait pas perdu encore. Puis le résultat de ce week-end, deux défaites, ben je te dirais que les résultats ne témoignent pas ce qui s'est passé sur la glace, parce que tu vois, on jouait contre le meilleur club division 2B au Québec, les Basses de Sept-Îles. On a perdu 4-2 avec un filet de quatrième but dans un filet désert. Puis le deuxième match, on a perdu 2-1 en tir de barrage. Écoute, si le facteur chance aurait été moindrement là, on sortait avec ces deux victoires-là, parce que tu vois, dans les deux matchs, les occasions de marquer, on a eu beaucoup plus d'occasions en or de marquer, mais tu vois, des filets déserts, une lame de bâton, une lame de patin, puis la rondelle pénétrait pas dans le but, mais tu vois, les petits gars donnaient un super effort. Je suis satisfait parce que ça annonce bien pour le dernier droit qu'on a. C'est-à-dire que, tu sais, on s'en va en tournoi à Saint-Anselme, un tournoi à Saint-Bruno, puis on vise de gagner et de finir premier dans les séries de la Coupe Grosche. C'est vraiment intéressant, en tout cas, comme cette année, votre équipe. Donc, votre force, c'est quoi? Écoute, tu sais, premièrement, pour les gens qui sont pas au courant, ben, le Vatam 2B, les Rapides de Beaumont-Missassi cette année sont composés de 8 vétérans et 8 recrues. Ouais. Donc, tu sais, c'est un petit peu plus dur que ce que je m'aurais imaginé, parce que j'aurais aimé avoir plus de vétérans. Donc, tu sais, ce qui arrive, c'est que, bon, les petits gars qui arrivent du Pee-wee de l'an passé, normalement, ils commencent à connaître leur bon hockey en janvier. C'est le cas. Regarde, ce qu'on leur enseigne, ça commence à apparaître. Ils commencent à jouer comme des vétérans. Écoute, le meilleur est à venir, je crois. Mais avoir des 8 recrues, c'est quand même pas mauvais, là. L'an prochain, ça va être intéressant, là, aussi, là. Donc, vous en avez pour au moins, je sais pas combien va le Pee-wee cette année, là, mais c'est quand même intéressant de voir que vous avez quand même la relève aussi, là. Vous êtes sur 2-3 bonnes années, là. Définitivement, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as au Saint-Lac-Saint-Jean, tu as le hockey de la future, tu sais, le 3A, puis tu as le hockey scolaire aussi. Donc, c'est probablement qu'il y a des jeunes qui vont s'en aller jouer dans ces niveaux-là. Donc, on ne peut pas dire quelle image aura le club l'an prochain, puis quels joueurs du Pee-wee 2B de Dolbeau-Missassini vont faire partie du club du Vatam 2B. D'année en année, ça change beaucoup, donc c'est imprévisible. Mais moi, cette année, regarde, j'ai été chanceux, regarde, j'ai le noyau fort de Dolbeau-Missassini n'est pas allé jouer avec les Lynx dans l'hockey scolaire, ni avec les Aigles à Robertval dans le scolaire, puis j'ai pas perdu de petits gars dans le 3 non plus, des petits gars qui ont pas voulu carrément y aller. Donc, tu sais, j'ai quand même un bon noyau de bons joueurs, là. OK. Dis-moi le fait que ça te fait-tu peur, tous les Aigles qui viennent d'ajouter, qui ont annoncé qu'ils ont ajouté une équipe aussi l'an prochain, ça te fait-tu peur, ça, pour l'avenir des Rapides et l'avenir du hockey civil? Écoute, c'est sûr que l'avenir, c'est le hockey scolaire, ouais. On se le cachera pas, donc c'est sûr, que, tu sais, le membership va baisser au niveau du hockey civil. Je te dirais que d'ici les 5 prochaines années, j'ai hâte de voir de quoi va ressembler l'hockey civil. OK. Par contre, c'est une bonne affaire, parce que je peux te dire une affaire, il y a beaucoup de bénévoles. C'est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles, puis de s'en aller dans l'hockey scolaire. Au moins, là, il n'y aura plus ce problème-là. Oui, tu sais, c'est sûr que les bénévoles, c'est le nerf de la guerre, mais surtout que, tu sais, garde le jeune, c'est un sport étude dans le scolaire, donc c'est un volet intéressant. Les jeunes, le soir, ils n'ont pas de hockey. Pratique sur les heures de cours. Pas d'hockey le soir, peuvent étudier. Donc, tu sais, va l'intéresser. Moi, c'est sûr que si tu me demanderais lequel que tu choisirais, c'est l'hockey scolaire, c'est sûr. Mais comme moi, mon garçon, ben, il est au PE à Saint-Félicien. Donc, lui, c'est les études. Tu sais, lui, le pays de sortir avec un diplôme d'études. Ouais. Secondaire, tel le pays, lui, c'est important. Lui, c'est plus l'école qui est important que le hockey, mais quelqu'un, un petit gars qui priorise le hockey, ben, le scolaire est intéressant, surtout que tu les gars, il faut qu'ils montent patte blanche au niveau des résultats scolaires aussi. Là. Ouais, effectivement. Donc, c'est une belle structure, c'est une belle structure. T'sais, moi, c'est sûr, mon gars, t'sais, bon, pour des raisons qu'il avait commencé de périr à Saint-Félicien, il voulait sortir avec son petit monde, ben regarde, on n'a pas bifurqué vers le scolaire, ni vers la structure du 3A, parce que ça ne l'intéressait pas. T'sais, mon petit gars, il est terre à terre, il sait que le hockey, c'est un beau véhicule pour apprendre des belles notions de vie, mais t'sais, plus tard, c'est pas ça qui va lui en aller du pain et du vent à sa table. Okay, donc t'sais, il est bien terre à terre, il sait qu'il ne fera pas une carrière de joueur de hockey. Effectivement. Donc, il consacre sur ses études. Les rapides, je reviens à la question. Quelle force, l'attaque, la défensive, les gardiens de but, un bon noyau, c'est quoi la force de votre équipe, là? Parce que c'est quand même pas rien, là. Ben, définitivement que, regarde, les rapides cette année, notre ADN, c'est la vitesse. On a un club qui est rapide, puis un club qui est combatif. C'est des joueurs qui ont des objectifs, puis ils vont tout le monde va s'unir, puis j'ai des gros travailleurs. J'ai des gars que je vais donner des missions, puis jusqu'à maintenant, ils relèvent les défis. C'est ce qui caractérise beaucoup mes jeunes actuellement. C'est une équipe de travailleurs, une équipe qui est rapide. Okay. Les Hurricanes de Mastouillache, le fait qu'ils ne sont pas dans la Ligue cette année, ça vous a-tu nuit? Ça vous a-tu aidé? Parce que c'était une puissance, les Hurricanes. Les Hurricanes avaient un très bon club. Ils ont toujours eu un bon club. Définitivement que cette année, n'étant pas là, ça nous a aidé parce que, regarde, on est allé chercher deux gars du secteur Service Saint-Robert-Val, un défenseur, un attaquant. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé le club pour contrebalancer le fait qu'on a perdu des joueurs pour les Lynx. OK. Au solaire. Richard, toi, ta première année, tu travailles, t'es-tu du secteur? Parce que tu travailles, je pense, à Delisle. Est-ce que t'es du secteur? Non, moi, je demeure à Robert-Val. OK. Et puis, tu vois, le pourquoi je suis à Dolbeau actuellement, c'est que, tu vois, le printemps, j'entraîne les meilleurs joueurs du 2000. Tu sais, j'ai toujours, on appelle ça du hockey de printemps, c'est du mois de printemps, bref. Donc, je vais chercher les meilleurs joueurs Saint-Jean, Chibougamau, puis je fais ça depuis 8 ans. Puis, tu vois, j'avais des deux parents de Dolbeau qui ont été dans mes clubs ces dernières années. Là, eux avaient eu vent qu'il n'y avait pas d'instructeur à Dolbeau-Missassini. Il y avait eu vent que les Hurricanes, bon, ils ne reviendraient pas cette année à cause des aigles dans le scolaire à Robert-Val. Donc, mon gars devenait comme un joueur autonome. Donc, on m'a approché et on m'a dit, garde, tu pourrais ramener ton gars. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis secteur Robert-Val, mais que j'entraîne à Dolbeau-Missassini. Okay. Puis, finalement, ben, quand j'en sors grandi, c'est une belle aventure. Oui, comment je te dirais ça? J'avais des craintes en début d'année, mais je crois relever le défi, puis on fait une belle année actuellement. Ben oui, je pense que c'est pas fini, meilleure année. Ben oui. Donc, toi, diriger, c'est pas nouveau, là. Donc, ça t'énervait pas trop. Comment tu me dis ça, Daniel? Est-ce que j'ai pas compris? Diriger, entraîner, c'était pas ta première expérience, donc ça t'énervait pas trop, là, de prendre ce club-là? Non, ça m'énervait pas. Non, sauf que, tu sais, ces dernières années, ben, regarde, tu sais, j'ai pris des clubs 3A de printemps, mais, tu sais, des clubs un année de temps comme ça, ben, c'était un défi. Tu sais, j'ai toujours été adjoint pour des années, mais en chef, c'est la première fois que je le prenais un année durant, OK? Mais, tu sais, regarde, c'est le fun parce que, tu sais, bon, j'ai David Lamontagne, président du Hockey Blanc, qui est mon adjoint, qui me donne un coup de main, puis j'ai David Sauvageau aussi, qui me donne un coup de main. Donc, ça a comme été mes deux balises, mes deux personnes ressources qui ont fait en sorte que j'ai embarqué dans le défi, parce que si j'aurais pas eu de repères, je suis pas sûr que j'aurais embarqué dans le dossier. OK. Dis-moi, est-ce que c'est différent de diriger du hockey de printemps puis de diriger du hockey d'hiver? Oui, il y a une grosse différence parce que, tu sais, diriger du hockey de printemps, je vais chercher les meilleurs joueurs, tandis que d'une grande région, tandis que là, ben, je prends les meilleurs joueurs d'un secteur. Ouais. Donc, c'est sûr que, tu sais, au niveau où est-ce que les jeunes sont rendus, ben, tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais, là, actuellement, en début d'année, cette année, avec les rapides, ben, tu sais, j'ai pris des jeunes, il y a plein de jeunes qui étaient pas rendus au même niveau, tandis que quand j'attrape les meilleurs d'une région, ben normalement les jeunes ont tous les mêmes acquis, donc j'ai pas besoin de revenir de travailler sur certains points où est-ce que tu sais il y a des lacunes généralisées. Tu sais, habituellement j'ai la crème, tu sais, travailler dans le 3A, ben c'est ça, je ramasse les meilleurs dans le coin de la région, donc c'est, je suis pas à travailler sur la base, là, je vais travailler sur d'autres aspects. Et puis les petits gars qui ont, ont des niveaux d'habileté plus élevés, donc c'est ça que c'est différent. Mais tu sais, comme je t'ai dit en début d'entrevue, je suis chanceux parce que j'ai des petits gars dans mon club qui jouaient avec moi l'an passé, puis j'ai des petits gars qui arrivent du Pee-Wee aussi, qui sont en première année d'Antam, puis c'est des petits gars qui ont joué aussi dans l'hockey de printemps. Donc tu sais, j'ai quand même un bon noyau, ce qui fait en sorte que j'ai une chimie intéressante, malgré le fait que j'ai eu une recrue. Okay, okay. Parce que c'est quand même beaucoup les recrues. Ben oui, ben oui. Hey, dis-moi en terminant, tu penses avoir l'équipe pour te rendre loin, pour aller à la Coupe, pour représenter la région à la Coupe Dodge? Définitivement, c'est mon objectif, c'est l'objectif de toutes de tous mes jeunes, de mes deux adjoints. Définitivement, c'est ce qu'on vise. Regarde, okay. On est gonflé à bloc. Tu vois, regarde, on est 14e meilleure équipe avant fin de semaine passée, on était 10e meilleure équipe au Québec. Ouais. Là, on a eu un petit recul avec nos deux défaites, mais comme je te dis, le résultat ne témoigne pas ce qui s'est passé sur la glace. Là, on aurait dû sortir avec minimum une victoire. Regarde, là, on est allé chercher un point sur 4. Mais oui, regarde, moi, je pense que mes petits gars sont capables, on est capable d'aller jusqu'au bout puis représenter la région pour la Coupe d'Ottawa. Oui, ben, bravo, Richard, puis félicitations, puis on se tient au courant de ce printemps. Hey, je te remercie beaucoup, Danny. Bonne soirée. L'instructeur-chef des Rapides de Boumsesni, Richard Fortin.